Section 9. Les actions confirmèrent les paroles. Et l'on trouve Mabillon à la trappe, suivi et accompagné avec respect par Rancé. Le 4 juin 1693, Rancé écrit à l'abbé Nicaise : Le père Mabillon est venu ici depuis 7 à 8 jours seulement. L'entrevue s'est passée comme elle le devait. Il est malaisé de trouver tout ensemble plus d'humilité et plus d'érudition que dans ce bon père. Bossuet, avec son bon sens, avait éclairé le point de la difficulté en distinguant l'état de solitaire et l'état de cénobite. La dispute ne s'éteignit pas là. Les moines savants avaient pris les armes. Dès Claude de Vert, sous le nom de frère Colombard, se jeta dans la mêlée. L'infatigable Rancé répondit toujours. 4 lettres du père Sainte-Marthe parurent, auxquelles Rancé répliqua par une courte lettre adressée à Santeuil, juge placé avec ses belles poésies latines sur la frontière des deux Parnasses. Au surplus, l'éloignement pour les lettres qu'éprouvait Rancé s'est retrouvé chez plusieurs hommes et même des hommes de son temps. Ils avaient appris à mépriser ce qu'ils avaient d'abord recherché. Boileau écrivait à Brienne « C'est très philosophiquement et non chrétiennement que les vers me paraissent une folie. C'est vainement que votre berger en soutane, je veux dire monsieur de Maucroix, déplore la perte du lutrin. Si quelque raison me le fait jamais déchirer, ce ne sera pas la dévotion, mais le peu d'estime que j'en fais, aussi bien que de tous mes autres ouvrages. Vous me direz peut-être que je suis aujourd'hui dans un grand accès d'humilité. Point du tout. Jamais je ne fus plus orgueilleux. Car, si je fais peu de cas de mes ouvrages, j'en fais encore bien moins de ceux de nos poètes d'aujourd'hui, dont je ne puis plus lire ni entendre pas un, fût-il, à ma louange. Que dirait donc le critique maintenant qu'il n'y a pas un de nous, long ou écourté qu'il soit, qui ne se pense assuré d'aller aux astres? Pour moi, tout est pris que je puisse être de ma chétive personne, je sais bien que je ne dépasserai pas ma vie. On déterre dans des îles de Norvège quelques urnes gravées de caractères indéchiffrables. À qui appartiennent ces cendres? Les vents n'en savent rien. Mabillon, né le 23 novembre 1632 à Saint-Pierre-Mont, village du diocèse de Reims, mourut 7 ans après Rancé, le 27 décembre 1707. En apprenant cette mort, Clément XI dit que Mabillon devait être inhumé dans le lieu le plus distingué, parce qu'on ne manquerait pas de demander où il avait été déposé. Ubi posuistis eum. Les restes du savant, après avoir été conservés au musée des monuments français, ont été reportés au mois de février 1819 à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Notre maître à tous, M. Augustin Thierry, a écrit ces paroles sur le premier monument de notre monarchie. Découvrons-nous avec respect pour entrer dans le caveau funèbre. Cette église fut le tombeau des princes mérovingiens. Son pavé subsiste, et dans l'enceinte de l'édifice, rebâti plusieurs fois, il garde encore la poussière des fils du conquérant de la Gaule. Si ces récits valent quelque chose, ils augmenteront le respect de notre âge pour l'antique abbaye royale, maintenant simple paroisse de Paris, et peut-être joindront-ils une émotion de plus aux pensées qu'inspire ce lieu de prière consacré il y a 1300 ans. L'édit de Nantes fut révoqué en 1685 au mois d'août. Les 158 articles avaient été successivement cancellés par des lois. À ce propos, l'abbé de Rancé écrivait « C'est un prodige que ce que le roi a fait contre l'extirpation de l'hérésie. Il fallait pour cela une puissance et un zèle qui ne fut pas moins grand que le sien. Le temple de Charenton détruit et nul exercice de religion dans le royaume, c'est une espèce de miracle que nous n'eussions pas cru voir de nos jours. Les temps transforment les hommes. La philosophie a blâmé la révocation de l'édit de Nantes que le XVIe siècle a loué. Cet édit établissait l'unité dans l'État. Rancé ne rencontrerait peut-être pas aujourd'hui la même contradiction à ses doctrines lorsqu'il dit « Nous avons eu les réjouissances nouvelles de la défaite des ennemis du roi, les Anglais. Je ne sais à quoi il tient que toute la chrétienté ne s'unisse pour achever l'œuvre qui serait la destruction entière de cet état de Satan. » Rancé écrivait, avec non moins de vivacité, à l'abbé Nicaise : « Ce que vous m'avez appris de la peine d'écrire à Londres et du bien perdu, Il y a un article sur lequel les hérétiques sont irrévertibles. C'est celui de la pénitence. Ils ne veulent que celle que l'on trouve dans le mariage. En cela, ils n'auraient pas tant de tort si c'était l'esprit de pénitence qui les faisait épouser une femme, ses mauvaises humeurs et les inconvénients qui sont attachés à cet état. Je n'imagine point de trappe comparable à celle-là, et celle où nous sommes me paraît un lit de rose par rapport à ce que nous savons qui arrive aux gens mal mariés. Les oiseaux sont revenus, les étangs sont desséchés, les nouveaux cénobites qui se trouvent à la trappe, parfaitement conformes à ceux qui habitaient ce désert au XIe siècle. Ils ont l'air d'une colonie du Moyen-Âge, oubliée. On croirait qu'ils jouent une scène d'autrefois. Si, en approchant d'eux, on ne s'apercevait que ces acteurs sont des acteurs réels, qu'un ordre de Dieu a transmis du XIe siècle jusqu'à notre scène. Ils n'ont de rapport avec les temps modernes que par le travail. On ne sait si Rancé avait entretenu un commerce de lettres avec l'abbesse des Clairets, comme il en avait entretenu un avec Louise Roger de la Mardelière, mère du comte de Charny, par Gaston. Peut-être qu'en cherchant bien, on pourrait retrouver quelques-unes des lettres que Rancé écrivait dans sa jeunesse à Madame de Montbazon. Mais je n'ai plus le temps de m'occuper de ces erreurs. Pour m'enquérir des printemps, il faudrait en avoir. Viendront des jeunes gens qui auront le loisir de chercher ce que j'indique. Le temps a pris mes mains dans les siennes. Il n'y a plus rien à cueillir dans des jours défleuris. On trouve dans le Ménagiana ce que Ménage pensait de Rancé. « Je ne lis, dit-il, jamais les ouvrages de M. de la Trappe qu'avec admiration. C'est l'homme du royaume qui écrit le mieux. Son style est noble, sublime, inimitable, son érudition profonde en matière de régularité, ses recherches curieuses, son esprit supérieur, sa vie irréprochable, sa réforme, un ouvrage de la main du Très-Haut. » Une lettre de Madame de Maintenon, 29 juin 1698, nous apprend un voyage de son frère à la Trappe. Elle ajoute « J'envie le bonheur de mon frère d'avoir vu ce qu'il y a de plus édifiant dans l'Église et d'avoir entendu celui dont Dieu s'est servi pour établir ce nombre de saints qui ne paraissent plus tenir à la terre. » Ainsi tout s'occupait de Rancé, depuis le génie jusqu'à la grandeur, depuis Leibniz jusqu'à Madame de Maintenon. Le style de Rancé n'est jamais jeune. Il a laissé la jeunesse à Madame de Montbazon. Dans les œuvres de Rancé, le souffle du printemps manque aux fleurs. Mais en revanche, quelle soirée d'automne! Qu'ils sont beaux, ces fruits des derniers jours de l'année! Rancé a beaucoup écrit. Ce qui domine chez lui est une haine passionnée de la vie. Ce qu'il y a d'inexplicable, ce qui serait horrible, si ce n'était admirable, c'est la barrière infranchissable qu'il a placée entre lui et ses lecteurs. Jamais un aveu, jamais il ne parle de ce qu'il a fait, de ses erreurs, de son repentir. Il arrive devant le public sans daigner lui apprendre ce qu'il est. La créature ne vaut pas la peine qu'on s'explique devant elle. Il renferme en lui-même son histoire qui lui en retombe sur le cœur. Il enseigne aux hommes une brutalité de conduite à garder envers les hommes. Nulle pitié de leurs mots, ne vous plaignez pas. Vous êtes faits pour les croix, vous y êtes attachés, vous n'en descendrez pas. Allez à la mort, tâchez seulement que votre patience vous fasse trouver quelque grâce aux yeux de l'Éternel. Rien de plus désespérant que cette doctrine mélange de stoïcisme et de fatalité, qui n'est attendrie que par quelques accents de miséricorde qui s'échappent de la religion chrétienne. On sent comment Rancé vit mourir tant de ses frères sans être ému, comment il regardait le moindre soulagement offert aux souffrances comme une insigne faiblesse et presque comme un crime. Un évêque avait écrit à Rancé sur une abbesse qui avait besoin d'aller aux eaux. L'abbé lui répondit « Le mieux que nous puissions faire quand nous voyons mourir les autres est de nous persuader qu'ils ont fait un pas qu'il nous faut faire dans peu, qu'ils ont ouvert une porte qu'ils n'ont point refermée. Les hommes partent de la main de Dieu. Il les confie au monde pour peu de moments. Lorsque ces moments sont expirés, le monde n'a plus droit de les retenir. Il faut qu'il les rende. La mort s'avance et l'on touche à l'éternité dans tous les instants de la vie. On vit pour mourir. Le dessein de Dieu, lorsqu'il nous donne la jouissance de la lumière, est de nous en priver. On ne meurt qu'une fois, on ne répare point, par une seconde vie, les égarements de la première. Ce que l'on est à l'instant de la mort, on l'est pour toujours. Cette langue du XVIIe siècle mettait à la disposition de l'écrivain, sans effort et sans recherche, la force, la précision et la clarté, en laissant à l'écrivain la liberté du tour et le caractère de son génie. On trouve cette description du silence imprimée dans la 29e instruction de Rancé. La solitude est peu utile sans le silence, car on ne se sépare des hommes que pour parler à Dieu, en interrompant tout entretien avec les créatures. Le silence est l'entretien de la divinité, le langage des anges, l'éloquence du ciel, l'art de persuader Dieu, l'ornement des solitudes sacrées, le sommeil des sages qui veillent, la plus solide nourriture de la providence, le lit des vertus. En un mot, la paix et la grâce se trouvent dans le séjour d'un silence bien réglé. Rancé serait un homme à chasser de l'espèce humaine s'il n'avait partagé et surpassé les rigueurs qu'il imposait aux autres. Mais que dire à un homme qui répond par 40 ans de désert, qui vous montre ses membres ulcérés, qui, loin de se plaindre, augmente de résignation à mesure qu'il augmente de douleur? C'était ainsi qu'il fermait la bouche à ses adversaires, que Port-Royal et tous ses saints reculaient devant lui, qu'il faisait fuir ses ennemis en leur montrant la tête sanglante de la pénitence. Il voulait que tous les pécheurs mourussent avec lui. Comme les fameux capitaines, il ne comptait pas les morts, pourvu qu'il gagnât la victoire. Je vous ai parlé de son fameux traité de la sainteté monastique. Dans toutes ses pensées, extraites de ses différentes œuvres et recueillies par Marcellier, on ne retrouve que des redites de la même idée. C'est toujours dur, mais admirablement exprimé. À la tête d'un manuscrit de 206 pages à 26 lignes la page, venu d'Alençon, où ce manuscrit avait été transporté après la destruction de la Trappe, est écrite par un moine la note suivante. Ce livre est écrit de la propre main de notre révérend et très saint père, dont Armand Jean, notre réformateur de la Trappe, qui, pour notre malheur, mourut le mois passé, 31 octobre 1700, comme il avait vécu. Moreri cite le 26 octobre la Gallia Christiana, le 27, une lettre de Bossuet mentionne le 29, et la note ci-dessus le 31 octobre. Cette note me semblerait devoir faire autorité, et c'est ce que pense aussi le bibliothécaire d'Alençon, sous la date du 3 août 1819. Le père Lenain dit formellement que Rancé expira le 27 du mois d'octobre à 2 heures après-midi, à l'âge de 75 ans, après en avoir passé 37 dans la solitude. Le manuscrit cité me semble être de la jeunesse de Rancé et renferme ses études sur la Trinité, c'est-à-dire des recherches sur ce qu'en avait dit Platon, Justin, Clément d'Alexandrie, sans oublier les hymnes d'Orphée, grandes recherches que ne faisait point Rancé à la Trappe et qui sont visiblement de sa jeunesse. L'écriture de l'ouvrage inédit que je cote est d'un jeune homme. Le grec est facile à lire, presque toutes les lettres compliquées sont remplacées par des lettres simples. Rancé remarque que le symbole de Nicée a ajouté au credo le mot « fils ». Rancé avait voulu l'obscurité, et c'est un moine, son compagnon, qui ne signe point, qui se trompe même d'année, ayant mis 1600 pour 1700, qui nous apprend sa mort, mort qui n'importe aujourd'hui à personne. Rancé a écrit prodigieusement de lettres. Si on les imprimait jamais avec ses œuvres, on verrait qu'une seule idée a dominé sa vie. Malheureusement, on n'aurait pas les lettres qu'il écrivait avant sa conversion et qu'au moment de sa vêture, il ordonna de brûler. Ce serait seulement une étude remarquable par la différence des correspondances auxquelles il s'adressa, mais toujours avec une idée fixe. Les réponses à ces lettres, les lettres qu'on lui écrivit à lui-même, seraient plus variées et toucheraient à tous les points de la vie. Il s'est formé une solitude dans les lettres de Rancé comme celle dans laquelle il enferma son cœur. Les recueils épistolaires, quand ils sont longs, offrent les vicissitudes des âges. il n'y a peut-être rien de plus attachant que les longues correspondances de Voltaire, qui voit passer autour de lui un siècle presque entier. Lisez la première lettre, adressée en 1715 à la marquise de Mimeur, et le dernier billet, écrit le 26 mai 1778, 4 jours avant la mort de l'auteur, au comte de Lally Tollendal. Réfléchissez sur tout ce qui a passé dans cette période de 63 années. Voyez défiler la procession des morts. Chaulieu, Sitteville, Thiriot, Algarotti, Génonville, Helvétius. Parmi les femmes, la princesse de Barrette, la maréchale de Villars, la marquise de Pompadour, la comtesse de Fontaine, la marquise du Châtelet, Madame Denis, et ces créatures de plaisir qui traversent en riant la vie, les Le Couvreur, les Lubert, les Gossin, les Salé, les Camargo, Terpichor, au pas mesuré par les grâces, dit le poète, et dont les cendres légères sont aujourd'hui effleurées par les danses aériennes de Taglioni. Quand vous suivez cette correspondance, vous tournez la page et le nom écrit d'un côté ne l'est plus de l'autre. Un nouveau Génonville, une nouvelle du Châtelet, paraissent et vont, à 20 lettres de là, s'abîmer sans retour. Les amitiés succèdent aux amitiés, les amours aux amours. L'illustre vieillard, s'enfonçant dans ses années, cesse d'être en rapport, excepté par la gloire, avec les générations qui s'élèvent. Il leur parle encore du désert de Ferney, mais il n'a plus que sa voix au milieu d'elle. Qu'il y a loin des vers au fils unique de Louis XIV. Noble sang du plus grand des rois, son amour est notre espérance, etc. Ostense à Madame Lulin et non pas Madame du Défant. Et quoi, vous êtes étonné qu'au bout de 80 hivers, ma muse, faible et surannée, puisse encore fredonner des vers? Quelquefois un peu de verdure rit sous les glaçons de nos champs, elle console la nature, mais elle sèche en peu de temps. Le roi de Prusse, l'impératrice de Russie, toutes les grandeurs, toutes les célébrités de la terre reçoivent à genoux comme un brevet d'immortalité quelques mots de l'écrivain qui vit mourir Louis XIV, tomber Louis XV et régner Louis XVI, et qui, placé entre le grand roi et le roi martyr, est à lui seul toute l'histoire de France de son temps. Mais peut-être qu'une correspondance particulière entre deux personnes qui se sont aimées offre encore quelque chose de plus triste, car ce ne sont plus les hommes, c'est l'homme que l'on voit. D'abord, les lettres sont longues, vives, multipliées, le jour n'y suffit pas. On écrit au coucher du soleil, on trace quelques mots au clair de la lune, chargeant sa lumière chaste, silencieuse, discrète, de couvrir de sa pudeur mille désirs. On s'est quitté à l'aube. À l'aube, on épie la première clarté pour écrire ce que l'on croit avoir oublié de dire dans des heures de délices. 1000 serments couvrent le papier où se reflètent les roses de l'aurore, 1000 baisers sont déposés sur les mots qui semblent naître du premier regard du soleil. Pas une idée, une image, une rêverie, un accident, une inquiétude qui naît sa lettre. Voici qu'un matin quelque chose de presque insensible se glisse sur la beauté de cette passion, comme une première ride sur le front d'une femme adorée. Le souffle et le parfum de l'amour expirent dans ces pages de la jeunesse, comme une brise le soir s'alanguit sur les fleurs. On s'en aperçoit et l'on ne veut pas se l'avouer. Les lettres s'abrègent, diminuent en nombre, se remplissent de nouvelles, de descriptions, de choses étrangères. Quelques-unes ont retardé, mais on est moins inquiet. Sûr d'aimer et d'être aimé, on est devenu raisonnable. On ne gronde plus, on se soumet à l'absence. Les serments vont toujours leur train. Ce sont toujours les mêmes mots, mais ils sont morts. L'âme y manque. « Je vous aime » n'est plus là qu'une expression d'habitude, un protocole obligé. Le « j'ai l'honneur d'être » de toute lettre d'amour. Peu à peu le style se glace ou s'irrite. Le jour de poste n'est plus impatiemment attendu, il est redouté. Écrire devient une fatigue. On rougit en pensée des folies que l'on a confiées au papier. On voudrait pouvoir retirer ces lettres et les jeter au feu. Qu'est-il survenu? Est-ce un nouvel attachement qui commence ou un vieil attachement qui finit? N'importe, c'est l'amour qui meurt avant l'objet aimé. On est obligé de reconnaître que les sentiments de l'homme sont exposés à l'effet d'un travail caché. Fièvre du temps qui produit la lassitude, dissipe l'illusion, mine nos passions, fane nos amours, échange nos cœurs. comme elle change nos cheveux et nos années. Cependant, il est une exception à cette infirmité des choses humaines. Il arrive quelquefois que dans une âme forte, un amour dure assez pour se transformer en amitié passionnée, pour devenir un devoir, pour prendre les qualités de la vertu. Alors il perd sa défaillance de nature et vit de ses principes immortels. Il ne faut pas séparer des ouvrages de Rancé les instructions de saint Dorothée, traduites du grec pour les instructions des pères de la Trappe. Saint Dorothée se convertit à la vue d'un tableau, comme aîné retrouva les souvenirs de Troie dans les palais de Carthage. Ce tableau représentait les divers tourments des pécheurs aux enfers. Une dame d'une majesté et d'une beauté extraordinaire se montra tout à coup auprès de Dorothée, lui expliqua le tableau et disparut. On voit comme les souvenirs de Virgile s'étaient empreints jusque dans les imaginations de l'Orient, si toutefois l'Orient n'était pas à la source de ses souvenirs. Les instructions de saint Dorothée sur les jugements, sur les accusations de soi-même, sur le souvenir des injures, sur les habitudes, sont écrites dans la traduction de Rancé avec onction et intérêt. Un jour, selon une de ces histoires, un des frères vint trouver son abbé dans le désert et lui dit « Ayez pitié de moi, mon père, parce que je dérobe et que je mange ensuite ce que j'ai dérobé. » « Et pourquoi, dit saint Dorothée, est-ce que vous avez faim ?»« Oui, mon père, répondit-il, ce que l'on donne à la table commune ne me suffit pas. » On doubla la pitance du solitaire et il dérobait toujours. Ce pauvre frère savait que le larcin était un péché. Il en pleurait, et toutefois il se laissait entraîner. D'Andilly n'avait laissé à Rancé que l'histoire de Dorothée à traduire. C'était un mauvais grec d'Asie du IIIe siècle, difficile à entendre, et dont il n'existait qu'une paraphrase infidèle. J'ai vu entre Jaffa et Gaza le désert qu'avait habité Dorothée. Il n'y avait point les 70 palmiers et les 12 fontaines. Une suite de souffrances renouvelées obligèrent enfin Rancé de se démettre de son abbaye. On était si abattu sous la majesté de Louis XIV que des solitaires même ne pouvaient s'empêcher de faire entendre ce langage de la flatterie usité à Versailles. Ce n'était pas chose si aisée qu'on se l'imagine que de faire agréer la démission d'un trappiste. Derrière cette démission se reproduisait la question de l'abbé commendataire ou de l'abbé régulier. La sainteté inspirait à Rancé une adresse particulière sitôt que se renouvelaient des contestations. Le chef de l'ordre de Cîteaux en appelait-il au pape, Rancé en appelait au roi. Louis XIV évoquait l'affaire à son conseil et, sans donner gain de cause à l'une des parties, rétablissait l'équilibre. La cour se partageait. Elle prenait un vif intérêt à ses démêlés du cloître. Un grand saint avait autant de crédit qu'un grand seigneur. Une gravité commune faisait que l'austérité de la religion communiquait de l'importance aux affaires du monde, et que les affaires du monde donnaient une vivacité utile aux intérêts de la religion. Rancé avait consenti à se charger de la conduite spirituelle de l'abbaye des Clairets, monastère de femmes dépendant de la Trappe. Il était gouverné par Eugénie-Françoise d'Étampes de Valence, d'une plus illustre famille que celle de cette duchesse d'Étampes, appelée la plus savante des belles et la plus belle des savantes. On croit dans des lettres du temps qu'on y allait par Nogent-le-Rotrou. La visite de Rancé au Clairet est du 16 février 1690. On possède encore avec la carte de sa visite les discours d'ouverture et de clôture. L'abbesse avait fait sonner la grosse cloche de l'abbaye aussitôt que Rancé parut dans le voisinage. Cloche dont le son se perdit, comme mille autres, dans des bois qui n'existent plus. On trouve on ne sait quel charme dans ces accents qui annonçaient à des échos, muets depuis longtemps, le passage d'un homme sur la terre. L'abbesse s'était jetée à genoux devant le père à l'entrée de l'église. La carte de visite laissée dans le monastère faisait du bruit. Rancé avait dit que la lecture de l'Ancien Testament ne convenait pas à des religieuses. « Que voulez-vous » disait-il. Que des filles obligées à une chasteté consommée lisent le Cantique des Cantiques, l'histoire de Suzanne, celle de Judas, de Tamar, de Judith, d'Amon, de la violence faite à la femme du Lévite dans Gabaon, le Lévitique, Ruth. La parole de Rancé, aussi persuasive que son caractère était inflexible, fut écoutée presque sans fruit au Clairet. Il détruisait par sa voix l'effet qu'il produisait par sa parole. C'est pourquoi l'on trouve une lettre rude qu'il écrivit à une religieuse de ce monastère. « Je vous avoue que j'ai été tout à la fois surpris de vous voir dans les dispositions et les pensées auxquelles je ne me serais point du tout attendu, car enfin, qu'est-ce que Dieu pourrait faire davantage pour vous assurer contre la crainte de la mort que de vous appeler dans un état qui doit vous donner de l'éloignement et du mépris pour la vie ?» Fait pour le monde, l'abbé s'en séparait par la pénitence. Mais, au milieu de toutes ces douleurs de femme, il ne s'apercevait pas qu'en voulant faire retourner l'humanité aux rigueurs de l'Orient, il se trompait de siècle et de climat. Il n'avait pas de corbeaux pour nourrir ses anachorètes, de palmiers pour couronner leurs têtes, de lions pour creuser la fosse des Thaïs. Sa morale tombait dans ces méprises de notre poésie qui ne parle que de la cruauté des tigres, dans des forêts où nous n'apercevons que des chevreuils. Rancé retourna à la trappe par un orage. Les tonnerres accompagnaient majestueusement les faibles pas d'un vieillard. Les beaux temps du christianisme étaient finis. On croit entendre se refermer les portes d'un temple abandonné. L'abbesse d'une célèbre abbaye de Paris, ayant lu l'ouvrage de la sainteté et des devoirs de la vie monastique, ne voulut plus consentir qu'on introduisît la musique dans son couvent. Elle en écrivit à Rancé. L'abbé répondit : « La musique ne convient point à une règle aussi sainte et aussi pure que la vôtre. Est-il possible que vos sœurs soient si aveugles et aient les yeux tellement fermés qu'elles ne s'aperçoivent pas qu'elles introduiraient un abus dont elles doivent avoir un entier éloignement ?» Rancé était de l'avis des magistrats de Sparte. Ils mirent à l'amende Terpandre pour avoir ajouté deux cordes à sa lyre. Les nonnes persistèrent. Le monde rit de ces discordes qui pensaient renverser une grande communauté. Le ciel mit fin aux divisions, comme Virgile nous apprend que l'on apaise le combat des abeilles. Un peu de poussière jetée en l'air fit cesser la mêlée. Il survint aux religieuses qui voulaient chanter des rhumes. Elles reconnurent que la main de Dieu s'apesantissait sur elles. Rancé, du reste, avait raison. La musique tient le milieu entre la nature matérielle et la nature intellectuelle. Elle peut dépouiller l'amour de son enveloppe terrestre ou donner un corps à l'ange. Selon les dispositions de celui qui les écoute, ces mélodies sont des pensées ou des caresses. Des médailles et des portraits de l'abbé de Rancé s'étant répandus, donnèrent naissance à de nouvelles calomnies. On le traita de superbe qui voulait éterniser sa mémoire. On fit courir des médailles portant d'un côté ces mots « Restauratorum monachorum » et de l'autre un moine mal fait avec cette devise « Labor improbus ».